Direct ou indirect, beaucoup plus indirect, voilà, sur la pompe. Chute sur la pompe d'avant. Par contre, les deux autres pompes là, c'est pas la même chose. C'est généralement, c'est des shorts. Vous avez fait la fracture de jambe? Non. Vous allez la faire, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez un os plus ou moins saillant, surtout au niveau du lima. Donc, on peut frapper facilement. Lorsqu'on fait une chute sur le rachet, où là, on est frappé. Généralement, là, on va avoir dans les formes cliniques. C'est des formes, généralement, c'est des gens qui sont agressés. Parce qu'on est agressé, on protège. On sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on barre. Si on est frappé par une balle, quelque chose qui dure un bâton ou un pas de fer, on peut avoir une fracture du cubitus ou même de l'ensemble. Sur le plan anatomopathologique, c'est quoi? C'est, on va décrire, si vous voulez, le trait de fracture, c'est une fracture peut-être très simple. Très simple, c'est quoi une fracture simple? Vous avez deux failles. Translation, mais même au trait de translation, c'est pas ça le plus important. Mais le trait, vous avez un seul trait. Si vous avez un trait, un petit fragment, c'est une fracture simple. Dans n'importe quelle région, c'est-à-dire une tibia ou un sphère. La classification, pas une classification. La dernière fois, classification de Judé, classification de Sofkor, classification de Laou, il y a plusieurs classifications. Et lorsqu'on n'a pas de consensus, on dit une très rouge, pour le Wahid Boulet, ma classification c'est la plus valable. Donc, le Sahara, j'ai choisi pour vous ce qu'on appelle la classification de Laou. Laou, c'est un langage universel. Et vous allez. Quelqu'un qui fait orthopédie en Chine ou en Russie ou là en France, lorsque vous dites classification de Laou, il fait au chinois, on peut avoir, c'est une constatation. Ça zoule les dossiers, il zoule les archives d'un service, d'un grand service, qui recrute beaucoup de patients comme notre service. Malheureusement, même, c'est pas en tout cas. Ça va bien, surtout à peut-être que vous allez arriver à faire ça, très jolie classification propre à vous. La classification, c'est quoi? Mais où statistique sur le plan, bien sûr, sur le plan statistique. Gail, j'ai 10 fractures où il y a uniquement le radius qui est touché. J'ai 20 fractures où le cubitus est touché. Il n'y a pas d'idéaux statistiques de changer une classification. Ce qu'on appelle descriptif. Il y a des clips qu'ils ont vu, tout simplement. C'est pas sorcier. Les meilleures classifications sont les classifications qui ont un intérêt prononcé. Diagnostic, bien sûr, classification, et surtout prononcé. Vous allez faire les fractures du col du pneu. Il y a la fameuse classification de Gardel. Il y a quatre types, 1, 2, 3. Si j'ai une fracture type 3 ou type 4 du col du pneu, elle est belle, j'ai une raïa de complications. Quel est le verbe? Donc j'ai choisi pour vous ce qu'on appelle la classification de là-haut. Pour vous, la ligue est là. Personnellement, ce n'est pas très important pour vous à votre niveau de connaître les principes du traitement, les principes de. Mais ça, il ne faut pas passer quelqu'un, un médecin généraliste, il ne faut pas qu'il passe devant l'urgence. Ça, c'est impardonnable. Cette fois-ci, enfin, cette année, j'ai fait ma consultation, j'ai reçu un jeune qui a 19 ans, qui avait une fracture, une petite fracture, au niveau du troisième doigt, au niveau de l'interphalangère proxime. Sur le haut, un cas. Il ne fait ni flexion, ni extension. Sur le côté droit, il travaille. Guéri, bon, il a été vu, c'est pas pour critiquer nos confrères généralistes, non, au contraire, le système de santé est basé sur le médecin généraliste. On peut être un bon médecin généraliste. Elle a réduit, c'est ce collègue qui a réduit, je ne connais même pas le nom, hein, qui a réduit la mort. C'est pas son job. Ou même lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas n'importe quoi. Il a dit, est-ce que quelqu'un accepte de faire ce traitement pour son frère ou la soeur, il n'accepte pas. Ou les dévoués, les collègues. Les collègues. Il a des complications, c'est un malade que j'ai reçu. Donc, il est pratiquement à 2 mois et demi. Qu'est-ce que je fais? Pour moi, la classification pour vous, le traitement n'est pas présent. Par contre, une prêche, une boule de canard externe, il y a un bon traitement pour le patient. Mais, en passant devant, il y a juste besoin de diagnostic. Diagnostic, il est facile, on va le voir. Deux autres avant-bras, j'ai toujours dit qu'au niveau du segment antébrachial, on a deux articulations. On a l'articulation du poignet, on a une autre articulation, c'est l'articulation du cou. L'évolution, généralement, c'est des fractures diaphysaires qui ne posent pas beaucoup de problèmes. Il y a des fractures qu'on appelle avec les trois, la force post-traumatique, la raideur, donc elles posent moins de problèmes. Seulement, ce sont des fractures qui consolident un peu plus long. C'est long. Il y a des lésions trop longues. Minimum, c'est 3 mois. Généralement, c'est en vacances, on fait sur beaucoup d'enfants, parce que beaucoup d'adolescents, c'est une fracture qui est fréquente chez l'enfant. Chez l'adolescent, ils font des fractures comme il y a la plage. Donc, ils mettent les pattes, ils mouillent la plage, la plage. Et puis, notre chute, il fait ce qu'on appelle une fracture itérative. Il faut répéter le traitement pendant 3 autres mois. Vous voyez comment? Généralement, c'est une faute des parents aussi. Hein. J'intervenue les parents, parce que les parents doivent être impliqués. Au lieu qu'ils passent, ils ne contentent pas après 3 mois, ils vont faire 6 mois. C'est beaucoup. Les formes cliniques, il y a des formes ouvertes, il faut toujours en matière de traumatologie. Plus le traumatisme violent, plus l'ouverture est présente. Il y a aussi ce qu'on appelle les fractures de Gagliardi et les fractures de Montaigne. Néo-chinois. Là, il y a un principe en matière de traumatologie que vous connaissez. Je sais que vous connaissez ça. Lorsqu'on fait une radio, et que la radio ne fait pas l'articulation sus et sous-jacente, ça veut dire que c'est une radio qui est ratée. Il faut la refaire. Vous avez les deux os d'avant. Vous avez l'ulna, vous avez le radius. Vous avez deux articulations. Le coude et vous avez le poignet. Dans les formes cliniques, on a la fracture de Gagliardi. C'est quoi? C'est une fracture du radius associée à une luxation radio-ulnaire, radio-cubitale inférieure ou médicale. Ok? Donc, un des radius. Les sont là. Si j'ai une fracture de l'ulna, du coup, je dois voir le coude parce que je risque d'avoir une luxation qu'on appelle la fracture de mon pégé. C'est des noms propres, c'est des grands chirurgiens qui ont donné leur nom à ce type de lésion. Le traitement, il y a deux principes. Chez l'adulte, c'est un traitement. Chez l'enfant, c'est un traitement. Parfois, chez l'adolescent, des fois il y a une incarcération musculaire, peut proposer un traitement chirurgical pour l'enfant. Conclusion, on va dire que on ne va pas anticiper, on va voir par la suite. Donc, sur le plan de définition, vous avez l'intervigne. L'intervigne articulaire. Radio-ulnaire inférieure. Donc, il y a une ligne qui passe virtuelle, bien sûr, qui passe à 4 cm de l'intervalle radio-carpienne de l'articulation du poignet. Au-dessus de cette ligne, toutes les fractures qui sont situées à ce niveau sont considérées comme fractures de l'un ou de deux os de la main. La voie radio-soigneau, sans luxation radio-ulnaire. Et vous avez cette fameuse supériorité vésicale qui est là. Elle est un peu à... Elle sert à quoi, cette... Elle est un peu Ok, il y a des biceps qui se serrent à ce niveau. Donc, c'est à 2 cm de cette tuberosité, elle est là, et à peu près ici, vous avez tout ça, c'est considéré comme fracture des deux os d'avant. Par contre, là, au-dessus de la tuberose tibiale, c'est plus le radius qui est touché, c'est beaucoup plus le corps du radius qui est touché. Ok. Si vous voulez une introduction, là, qui me demande la fois de la question, ce sont des lésions qui sont fréquentes. Ils sont fréquents. Juste qu'il y a des fractures du cou chez l'adulte, pas chez l'enfant. Donc elle touche l'adulte jeune et chez l'enfant. Et c'est rarement une impression de mort. Là, vous pouvez dire. Donc c'est rare de voir des os de contrat chez, chez les vieux. Donc, elles sont graves, bien sûr, en dehors de la gravité de l'urgence. Donc, lorsqu'on a des complications, il faut toujours l'utiliser comme ça. Complication immédiate, inhérente à l'accident, complication secondaire. Bien sûr, tardive, vous avez la fameuse raideur en première circulation. Le diagnostic, quand il s'agit d'une pathologie, et la classification est toujours radiologique. C'est une radio. Là, la radio, même sur le Wallou. Donc il faut une radio, une bonne radio. Comme je l'ai dit, donc j'ai résumé, j'ai pris le coup là. Traitement chirurgical, chez l'adulte, traitement physique, chez l'enfant, sauf dans certains cas où je peux faire un traitement chirurgical chez l'enfant. Fracture d'insolence, donc forme clinique montégia. C'est une fracture de l'ulna associée à une luxation. Du coup, fracture de Galeazzi. C'est une fracture du radius associée à une dislocation, à une luxation radio-ulnaire distincte. Donc, pour la raison, c'est un petit couloir, mais qui peut présenter des complications. Les impératifs, donc, on a cinq. On a la longueur des os, qui doit être intacte. Elle est, on peut être intacte chez les gars, donc là, là. Si vous avez un chevauchement, de l'échevagement est acceptable. Acceptable peut-être chez l'enfant parce que c'est un organisme en croissance. Il va régler ça. Chez l'adulte, non. Donc, un chevauchement, c'est la forme de circulation qui sera compromise. Donc, il faut que la longueur doit être intacte. Deuxièmement, la courbure pour la prise. Allez, la courbure, elle est là. Vous montez sur le schéma. Comme ça, vous avez. Donc, vous avez la courbure. Donc, si vous avez un radius droit, il faut qu'il soit court comme ça, sinon c'est des problèmes de la première supination. C'est un impératif. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Des fois, il y a un décalage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'insertions, il y a beaucoup de muscles au niveau de ce ventral, il y a beaucoup d'insertions. Ces insertions vont tirer. Il ne faut pas avoir de décalage. Pour un espace, vous avez l'espace, la membrane est il faut qu'elle soit libre. Bien sûr, les deux articulations soient indemnes. Elle est au niveau du cou et au niveau du poignet. Je vous laisse le temps d'écrire, mais moi, j'ai fait mon tour déjà, je vais le remettre. Vous allez avoir tout ça en détail. Vous avez ça. Et c'est, vous voyez, le décalage des premières étoiles, c'est le décalage. Des fois, c'est très très difficile de réduire, de traiter ce type de fracture. Vous allez faire une réduction de temps d'étoile. La réduction, elle va. Donc, vous avez un grand déplacement profond. Vous avez une grande masse musculaire, surtout chez l'homme. L'homme, il a un avant-bras qui est développé, qui est musclé. C'est très difficile, même si on opère chirurgicalement. La fameuse classification, vous avez donc la classification en haut. C'est toujours type A, type B, type C. Plus l'ordre vers le type C, que ce soit le rachis, la jambe ou là, la réalité, la complication, votre collègue a fait raison. D'accord ? Par exemple, vous avez le type A qui se divise en A1, 1, 2. Vous savez ça, c'est une, c'est quoi ? C'est des statistiques. C'est une description. C'est des gens qui travaillent comme ça, qui ont fait un travail scientifique. C'est pas comme ça, un travail scientifique. Ils sont arrivés au type A, par exemple. C'est une fracture simple. D'accord ? De l'ulna à 2 du radius et à 3 les deux os de la jambe. C'est très facile. Le type B. Vous avez un coin, c'est-à-dire ce n'est plus un seul trait, mais vous avez un troisième fragment, donc qui peut toucher l'ulna, B1, B2 qui touche le radius, ou la B3 qui touche les deux. Vous avez le type C, ce sont des fractures complexes. Vous avez, comme c'est une diaphyse, on peut avoir un trait en haut, un trait en bas. Ils vont faire ce qu'on appelle très bien, fragment intermédiaire. Donc c'est complexe, on peut avoir une fracture C1 qui touche le radius, C2 qui touche le radius, C2 qui touche le radius, ou il y a C3 qui touche les deux os, et dans n'importe quel type de fracture de type C, vous avez une fracture complexe qui isole un fragment intermédiaire. Donc ça a un intérêt pas aussi que le point d'un ou un seul trait, il va consolider normalement dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans 3 mois, il peut consolider. Par contre, celui qui a une fracture étagée, qui isole un fragment intermédiaire, ce fragment intermédiaire peut avoir ou aboutir à la nécrose de l'os. D'accord ? Voilà, cette définition, on va la voir sur le polycorps. Donc la classification A haut distingue 3 groupes. Le groupe A, fracture simple, le groupe B, fracture à fragment intermédiaire. Le groupe C réunit les fractures complexes, 3 sous-groupes. Là, il y a une subdivision. Et des fois, on a des fractures qui sont inversables. Et il y a des éléments qui vont passer. C'est généralement, ce sont des fractures. Un traumatisme qui survient suite à un traumatisme à haute énergie. Donc j'ai expliqué tout ça. Groupe A, c'est une répétition, c'est une élite. Groupe A, point intermédiaire, ce qu'on appelle une fracture du type B. Et les fractures, c'est quand le coup de la dernière fois, je vais pas vous donner ça, mais il faut savoir qu'il y a des coups. Vous avez le site A, ce sont des fractures chez l'adulte, hein. Suisse, où il y a des fractures de l'extrémité distale, de l'humérus. Vous avez les fractures de type A, ce sont des fractures supracondylaires ou extra-articulaires. Le type B, ce sont des fractures parcellaires, elles touchent soit le condyle interne, soit le condyle externe. Et le type C, c'est des fractures les plus complexes qui touchent les deux condyles. Vous avez un trait supracondylé, un trait intercondylé. Je ne vais pas vous donner ça, c'est le rouge. Quelle est la différence entre type A1, A2 et A3? Non, c'est des constatations. Parce que, par exemple, pourquoi on a fait ça? Ça, c'est que j'ai montré comment les gens parlent. J'ai une fracture. Le fait de me communiquer, je fais une communication, par exemple, en Angleterre ou en France, ou là, sur les fractures que j'ai traitées au niveau du CHU de consenti. Au niveau du CHU de consenti. Des fois, le A1-1, le GIH, le GIH, c'est pas très fréquent. Comment qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des constatations, c'est descriptif. Ils ont décrit ce qu'ils ont vu. Vous allez prendre par exemple un cliché, très droit, la semaine passée, avant de terminer votre stage, il me semblerait, c'est une classification qui n'est pas correcte, si on peut dire, cette fracture n'est pas classée. C'est très souvent le cas. Et c'est pour ça que les gens, par exemple, qui parlent français, dans un service en France d'orthopédie, ils ne prennent pas ça en considération. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en considération, si vous avez une athète de deux os, vous avez le radius et le subcutis qui sont atteints de façon isolée, vous avez les deux. Ça peut se compliquer. Mais c'est un langage scientifique. C'est une classification, si vous voulez, qui n'a pas le polonais ou le russe, ni famille ou gagné. Tout ça. D'accord? Donc, il ne faut pas se figer sur ça. Et par contre, ce qu'il faut retenir, c'est le mot de résident. Si vous avez une fracture à celui-là, vous avez une fracture à troisième fois. Ce n'est pas la même évolution. Ce n'est pas les mêmes complications qu'on va avoir. Si vous avez encore une fracture comme ça, ou la multifracture comme ça, c'est évident qu'on va avoir un long séjour, musculaire, la traumatologie, si vous voulez, c'est comme notre ligament viscéral. Vous avez une douleur au niveau de la fessière, c'est une appendicite, opérer l'appendicite, une semaine après, classe. C'est pas la même chose. Un minimum, il prend être malade, minimum, une année. Parce que tout marche bien. Vous voyez comment la consolidation, d'une façon. Vous avez fait le cours à la consolidation. Non. Il s'agit de l'enfant. suivant. Donc, il y a une technique qu'on fait, c'est très simple. Et sur le plan pratique, c'est pas très simple. Hein. C'est quelqu'un qui a mal, qui se fracture, qui vient dans les suites d'un traumatisme. Mais peut-être que je dirais pas circulation de la formation, parce que le cliché, comment on le fait ? Est-ce que vous avez vu ? Il faut le voir. Parce que là, vous allez travailler. Il y aura parmi vous peut-être qui vont faire rhumatologue. D'accord ? Vous là qui vont faire chirurgie orthopédique. Chirurgie orthopédique, c'est l'incidence. Vous n'avez peut-être que le radiologue, le rayon incident, c'est une radio qui n'est pas correcte. Donc vous allez mal analyser votre fracture. Donc comment on fait ? C'est très simple. Il y a la cassette qui est posée. Le malade doit être en supination complète. D'accord ? Et des fois, c'est pas évident. Elle est parce qu'il a très mal. Pour ça, on l'a dit la dernière fois, dans les grands centres européens aux États-Unis, les malades traumatisés, systématiquement, la radio est au niveau du bloc opératoire. Donc, il peut avoir une radio comme il veut. Le malade est anesthésié, il n'a pas mal. Donc, là, des fois, c'est de la torture. Hein. Le malade est aïe, c'est pas évident. Deuxièmement, lorsqu'on fait une radiographie de profil, il faut qu'il soit en pronosupination zéro, indifférente. Rien qu'à. Ce n'est pas toujours évident. L'évolution, lorsqu'il n'y a pas, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, au début de ce cours, j'ai dit qu'on peut avoir des complications immédiates, immédiates à la chimie. Bien que ça, nous posons la question à partir du deuxième page, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Les nouvelles hospitalisées, les complications vasculaires, les neurologiques, les recherches. Si il n'y a aucun problème, c'est une fracture qui a été bien prise en charge, elle va consolider dans les lèvres, c'est-à-dire en fondant. Okay? Sinon, on a beaucoup de complications immédiates, des ouvertures cutanées, lésions vasculaires, les nerveuses et la vasculaire. D'accord? Généralement, les lésions vasculaires, elles sont concomitantes au traumatisme ouvert. Vous avez des traumatismes à la blanche, vous avez des traumatismes à l'arme à feu. Mais il y a un choix d'une fracture fermée avec complications vasculaires. On peut avoir une fracture toujours fermée avec complications neurologiques. Les vasculaires, non. Ok ? Ça n'existe pas. Complications secondaires, vous avez des placements. Les placements à l'air, c'est une complication du plâtre, du traitement orthopédique. Il n'y a qu'un choix, mon père, avec une plaque qui va se déplacer. Sauf la cadavre, je vais dire, il y a des démêlés. Comme les autres avant-bac, ça existe, hein? Ça existe. C'est des gens qui n'ont plus mal. Conscience, par résumé, c'est vrai. Si on ne fait pas une compensation complémentaire, il va prendre un sac de ciment ou de rage, il va déplacer sa fracture. Généralement, les enfants sont turbulents et ça peut se déplacer quand on fait un traitement orthopédique. Vous avez de l'œil, on sous antalgie, sous anti-inflammatoire, et on les garde 48 heures, 72 heures après. Il y aura une fente de l'œdème suite au traitement et le plâtre va être un peu large et cette fracture va se déplacer. Si on la laisse, là, des fois, il faut dramatiser, si vous voulez, pour les parents. قول له عيد روجة ولا حاجة سينو إلا با لو غامي إي فا لو غامي أون كان فيسيو يعني يجي له أبري أبري أون كونسوليداسيون دون أون بوزيسيون فيسيوز كي سرا Vous avez formé un syndrome de Jean-Claude qui vous a fait, vous avez fait le coup, donc c'est surtout des fractures à grande déplacement. Des fractures qui font suite à un traumatisme violent et il ne faut pas oublier un mauvais traitement. Un mauvais traitement. Faites un traitement orthopédique mal fait, un plâtre mal fait. Le plâtre, c'est un geste médical. Médical. Hein? Et sur le plan médico-légal, la Roma, bien sûr, il est OK, ce n'est pas un traitement qui sera donné à l'infirmier. Il y a même des coursiers qui plâtrent, qui font des plâtres directement. Mais sur le plan esthétique, s'il ne connaît pas quelles sont les complications. OK. Nous serons pas oubliés les enfants qui viennent un peu de petits patelins qui sont manipulés. Donc, ils sont manipulés, ils disent, tout le reste. Là, on a des gens qui avec des complications. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des charlatans, des gens qui voulent ce qu'on appelle les rebouteux, qui font un traitement traditionnel. D'accord, ok, mais ça existe même dans la santé, là, enfin, dans la région. Donc, il ne faut pas oublier, il faut faire un interrogatoire exact, parce que vous voyez, des scarifications, vous voyez ce qu'on appelle les bulles, tout ça dit que l'enfant a été manipulé. Le membre a été manipulé, il a massé, ce qui entraîne des complications. Bien sûr, lorsque vous faites un fracture médicale, vous allez, cette fracture qui vous est fermée, vous allez l'ouvrir, donc l'exposer aux bactéries, bien sûr, parce que. Vous avez un bloc opératoire qui n'est pas passé, on peut avoir une complication. Et il faut savoir que l'infection est gérée du patient lui-même. Chaque individu, il y a aussi des bactéries et tout, parce que vous ne préparez pas votre patient. Vous opérez mal, vous avez des complications redoutables. Sinon, si tout marche bien au début, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de déchets, on peut avoir par la suite ce qu'on appelle la pseudarthrose, c'est-à-dire une défaut de consolidation. Et Dieu sait, ce qu'on voit, c'est des fractures, ce qu'on appelle pseudarthrogènes. Vous avez l'humérus, la diaphyse humérale, vous avez la jambe, et vous avez les deux os de l'avant-bras. Moi, je parle d'adulte. L'enfant, il consolide sans aucun problème. Ok, chez l'adulte, vous avez des fractures pseudarthrogènes. Il y en a qui peuvent se compliquer. Parce que tout marche bien, ça peut se compliquer. Et je vais vous dire quelque chose. Dans l'interrogatoire, c'est toujours lorsque vous avez un adulte jeune, il faut lui demander s'il prend de la cigarette. La cigarette, c'est un facteur de la non-consolidation des fractures. Faites savoir. Que la cigarette peut retarder une consolidation ou la entraîner une pseudarthrose. D'accord? Sinon, vous avez le calvitie. Le calvitie, il est toujours secondaire à un traitement orthopédique. D'accord? Quand vous avez un malade, vous me direz que c'est dingue. Donc, vous avez secondaire un traitement orthopédique. Vous avez les sinusoses radio-humaires, on a radio-humaire, vous avez une antenne, la membrane, la chère-sose. Et peut-être un projet, ou bien secondaire un traumatisme. Vous avez un traumatisme violent. Vous voyez la radio qui vient où les deux os sont écartés, un écart important, ça veut dire que la membrane intrinseuse est touchée à ce niveau. Elle peut se compliquer par ce qu'on appelle une sinusose, elle devient dure et le patient peut avoir une atteinte de la bronchite supinale. Dans les formes cliniques, vous avez donné des formes ouvertes. Je ne vais pas mentionner, vous savez que ça va, il existe. résolver la fraction d'insolence. On peut avoir une là, ou une là, deux radicaux. D'accord ? Vous voyez, dans l'image à gauche, vous avez la fameuse fraction de Montégien, qui coule comme Montégien systématiquement. Tout le monde Montégien. Et si tu utilises associé à une luxation de la tête radiale. Lorsque vous parlez de Galeazzi, c'est tout à fait contraire. Vous avez le radius avec la radio ulnaire, la radio cubitale inférieure qui distale comme vous dites. Dans les fractions de mon région, j'ai fait exprès de déparer la classification. Là, il y a une classification qui regroupe 4 types. Elle est parce qu'elles sont fréquentes. Montégia 1, ce n'est pas comme Montégia 2. 2, ce n'est pas comme ça. Ok ? Sur le plan pronostique. Le type 1, c'est le plus faible. Il peut atteindre jusqu'à 80%. Si j'ai jeune, il a grand enfant, d'accord, associé à luxation de la tête radiale passe sur l'antérieur et vous avez une fracture diaphysaire, diaphysaire à ondulation antérieure. D'accord ? Vous pouvez dire la dernière fois que vous avez un examen de stage. Donc, type 1, luxation antérieure avec une fracture diaphysaire et non pas métaphysique. Ok ? Le but. L'ondulation, elle est antérieure. C'est le but fréquent. Dans le type 2, 15%. C'est tout à fait contraire. C'est pas le jeune, c'est pas l'enfant, c'est beaucoup plus une femme d'un âge moyen qui se luxe sa tête radiale vers le bas, elle est vers la région postérieure. Voilà. 15% femme d'âge moyen, luxation postérieure de la tête radiale, et vous avez une diaphyse également ulnaire. Une diaphyse ulnaire, c'est tout à fait contraire de la première, l'ondulation qui est antérieure. La première antérieure. Comme c'est tout à fait contraire de la première cas. Okay. La tête radiale ou l'ongulation sont postérieures. Première, c'est la plus fréquente l'ondulation. La tête radiale passe en avant et chez l'adulte jeune et l'enfant. Dans le type 3, vous voyez, on fait un cliché qui nous boule postérieur et la postérieure latérale, ça veut dire quoi ? C'est sur la face qu'on voit que la tête radiale. Moi, je quitte en fonceur, je suis bien sur la face latérale. Ok ? Pour ça, on a dit dans le cas de 3, enfin, le cas qu'on vient de voir, on a dit 2, postérieur ou la postéro-latérale. Postérieur, je passe sur le profil. Et on va sur le site de face. Donc, le type 3, la fracture de l'une à l'autre, il y a une différence. Elle n'est pas diaphysaire. Elle est métaphysaire. Le métaphysaire, elle peut consolider sans aucun problème. Pour ça, diaphysaire, la consolidation est plus lente. D'accord ? Et vous avez un déplacement de la tête radiale latérale, ou antéro-latérale. Latérale, tu vas sur la face, antérieure. Du coup, tu vas sur la face, elle est en antérieure. Excusez-moi. Une chauffage sur le profil, normal, sur le plastron. Ça veut dire que c'est un déplacement uniquement latéral. Mais quand c'est sur la voie et pas sur la voie, il doit dire que la classification est en gros latéral. secondaire, traumatisme violent, d'accord, association des fractures du deuxième avant-bras de l'extension de la fracture. Donc là, on parle ni de métaphysaire, ni de diaphysaire. C'est les deux os qui sont atteints, mais associés à une luxation de la fracture. C'est une classification très simple qui a été inventée par M. Montelgien. Et vous avez c'est un type qui provient d'une racine rare, mais on peut le voir parce que ça, il y a toujours secondaire, un traumatisme autre ou même. Donc voilà, les fractures ouvertes, vous avez les fractures de Montégia, les fractures. Vous avez chez l'enfant, les fractures en bois vert, qu'on a vu tout à l'heure, que vous voyez là. Vous voyez, fracture en bois vert, c'est une fracture qui ne touche pas les deux parties. Traitement, il y a toujours les impératifs de la prononciation. C'est la fin. Pour établir longueur, la lumière, pour respecter la couleur de la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la comme a dit tout à l'heure, si vous avez par exemple un décalage entre la lumière, on va avoir un problème. Si vous avez un espace inconsolé, il faut que vous ayez un décalage. La mère de la patiente, elle va la donner. Si vous expliquez au patient, vous vous venez parce que vous avez un grand déplacement. Si la patiente n'a pas, peut-être que vous déplacez dans 80% des cas. C'est pour ça qu'il faut des contrôles répétés. Je l'ai vu aujourd'hui, qu'il y a un traitement à lui. Je dois le voir. Non, de systématique. Souvent. Vous pouvez le voir à 48 heures. J7, J14, J21. Systématique. Généralement, c'est des patients que j'ai eu tout à l'heure. J'ai gardé complications. Donc, systématiquement, vous allez pouvoir voir un bon diagnostic et une bonne radio du coude et une bonne radio du poignet. Et si vous respectez ce qu'on doit de citer, donc, le patient n'aura pas des problèmes de niveau d'amputation de la situation de l'enfant. Quels sont les principes? On a dit les premiers de la situation de réservé aux fractures dans le plan. C'est une chine à deux. Si vous n'avez pas, un grand besoin. En dehors de ça, le traitement orthopédique est réservé aux fractures de l'enfant. La compréhension de l'arthrite. On a dit que le plâtre a des principes. Quels sont les principes que le plâtre peut être créé? C'est un geste médical. Deuxièmement, il faut que le patient soit sous anesthésie. Généralement, on peut le corriger. En tout cas, sous anesthésie. Au départ, de manipulation, de réduction à vif. C'est très mal. Ça peut entraîner même la mort. C'est-à-dire un choc, la gagne. D'accord ? Il faut toujours un traitement. Deuxièmement, le plâtre doit contenir le bras et l'avant-bras, systématiquement. Deuxièmement, il faut une contention de l'articulation sus bien ça en fait. D'accord. Troisièmement, lorsqu'on fait un plat, systématiquement, on doit garder le patient hospitalisé. Quand j'ai dit donc un problème au lit. Ça n'existe pas. Il faut que vous avez fait une réduction sous plâtre pour hospitaliser votre patient. D'accord. Le lendemain, on le voit, bien sûr, au cours de la nuit, on le voit constamment, et le lendemain, on doit vérifier la sensibilité, la motricité. Il y a quelque chose qui est très important que j'ai appris quand j'étais externe. On me l'a dit, être là pour le doigt, jamais faire mal. Respirer, l'ontalgique majeur de l'orthopédiste, c'est le plâtre. Ce n'est pas le doigt, c'est le plâtre. Un plâtre qui fait mal, créez aussi quatre visions, mais essentiellement plus tard. Ok? Si vous avez par exemple un patient, Jacques, on les suit. Réduction, ça fait très mal, c'est une annonce de le vote. Ça commence comme ça, par une douleur. Moi, je le compare toujours, parce que c'est quoi un vote? C'est une ischémie. Je le compare à l'infarctus. Ça commence par une douleur. Donc, systématiquement, un plat qui ne doit jamais faire mal. Là, tu as fait mal, tu as droit de mal. Ok? Si tout se passe bien, on a fait un traitement convenable, et il n'y a pas de droit de mal, il n'y a absolument rien, il faut craindre les déplacements. Les déplacements, c'est comme ça. Je dis, il faut contrôler le patient. J1, J2, c'est-à-dire 48 heures après, et 7e jour, 14e jour, et 21e jour. Systématique. Sinon, vous voyez le plat entre les vis, et j'ai parlé tout à l'heure, lorsque vous traversez comme ça, vous répétez ce que je dis. Oui, bien sûr. Oui, ça dépasse. Et ça, c'est une source de ossification de la membrane interosseuse qui va entraîner une sinostose. Vous voyez cette fracture du radius avec un troisième fragment qu'on appelle en aile. Conclusion, Donc, si on veut c'est des urgences, les urgences traumatologiques, elles sont complications immédiates, ouverture cutanée, interposition avec difficulté de réduction, syndrome de voile noire, et par la suite, vous avez la pseudacore, les sinusoses, les guédeurs, en gros.